regardait toujours le rétroviseur, s'il y avait une voiture qui nous suivait. Il me disait toujours, ne pose pas de questions. Je n'ai rien négligé. Et c'est une affaire que j'ai suivie de jour en jour. Ceausescu, c'est une tyranne absolue. Aujourd'hui, Matei Pavel Haidukou n'existe plus. Matei Pavel Haidukou. Pendant la guerre froide, ce Roumain était un des nombreux agents secrets qui espionnaient en France pour le compte du régime communiste de Ceausescu. Un patriote qui agissait par idéal. On ne fait ce métier ni pour de l'argent, ni pour coucher avec de belles filles. On fait ce métier par idéal. Mais un jour de 1982, cet officier de renseignement, en apparence docile, accomplit l'impensable. Il décida de désobéir à la Securitat, la terrible police secrète roumaine, et de faire défection. Haidukou venait de recevoir de Bucarest une mission impossible, un ordre de tuer. Il devait éliminer deux écrivains dissidents réfugiés politiques en France, Paul Goma et Virgile Tanase, deux Roumains qui exprimaient haut et fort leur opposition au régime de Bucarest. L'ordre de les tuer était venu de très haut, de Nicolae Ceausescu lui-même, le dictateur mégalomane et paranoïaque, surnommé le Conducator ou le génie des Carpates, qui dirigeait d'une main de fer la Roumanie. Il semblait impensable qu'un fidèle agent de la Securitat, communiste depuis toujours, puisse lui désobéir. C'est pourtant ce qu'a osé Matei Pavel Haidukou. J'ai appelé la DST, le contre-espionnage français, et j'ai déclaré. Contre-espionnage français. Je suis un officier d'information roumain. Voici la dernière mission qui m'a été confiée et que je refuse d'exécuter. Parce qu'il refusait de tuer, Matei Pavel Haidukou faisait défection à l'ouest, ce qui permit aux deux écrivains d'échapper à la mort. Mais l'affaire ne s'arrêtait pas là. Pour protéger l'espion roumain, désormais agent double, les services secrets français ont monté une des plus incroyables opérations de mystification de leur histoire. Pour faire croire aux Roumains que leur agent avait accompli sa mission, ils ont organisé le faux empoisonnement de Paul Goma et le faux enlèvement de Virgile Tanase, à la barbe de Ceausescu, et avec la bénédiction, secrète bien sûr, du président de la République d'alors, François Mitterrand. L'opération était risquée. Cette affaire, pour le moins extraordinaire, allait révéler au monde l'intense activité de renseignement de la Securitat, mais aussi, pour ceux qui l'ignoraient encore, la réalité criminelle du régime de Ceausescu. Mais comment expliquer que Matei Pavel Haidukou, espion ordinaire, dont la vocation était d'obéir et de demeurer dans l'ombre, ait pu ainsi se rebeller et devenir un héros ? Matei Pavel Haidukou est né en Roumanie en 1948. À cette date, cela fait 4 ans maintenant que le pays est passé sous le joug soviétique. Le 31 août 1944, Radio Moscou avait annoncé fièrement la libération de Bucarest. Pour la famille de Matei, l'instauration d'une démocratie populaire sur le modèle soviétique est plutôt une bonne nouvelle. Mon père et ma grand-mère, c'est des membres fondateurs du Parti communiste roumain. D'ailleurs, mon père a fait de la prison avant la guerre pour le fait d'être communiste. De par mon éducation, forcément, j'étais communiste par conviction. Quand le père de Matei est libéré en 1944, c'est en toute logique qu'il devient un cadre dirigeant du parti. Le petit Matei grandit donc dans le milieu privilégié de la nomenclature du nouveau régime. Mais le père n'est pas qu'un apparatchik. Il croit sincèrement à l'instauration d'un monde meilleur, sans classe et sans injustice. Le petit Matei va le découvrir à ses dépens. Un jour où le garçon doit se rendre à la piscine, à pied comme d'habitude, il prend la liberté de demander au chauffeur de son père de l'emmener en voiture. À son retour le soir à la maison, Matei est accueilli par une monumentale gifle de son père. « Chez moi, on ne se fait pas transporter aux frais de la nation ». une leçon de dignité que Matei n'oubliera pas, notamment quand un jour de 1982, la Securitat lui donnera l'ordre de tuer. Pendant l'enfance de Matei Pavel Haiducu, l'homme fort de la Roumanie communiste s'appelle Gheorghe Gheorghiu Dej, un stalinien pur et dur qui envoie ses opposants dans le goulag roumain où charge sa police politique de les éliminer. Curieusement, Gheorghiu Dej, tout stalinien qu'il est, cherche à prendre ses distances avec l'Union soviétique. Mauvaise idée, sans doute. En 1965, au retour d'un voyage à Moscou, le numéro 1 roumain, peut-être victime d'irradiation, meurt d'un cancer. Son successeur, méfiant, pour ne pas dire paranoïaque, ne se rendra jamais au Kremlin sans son compteur Gégère. Il s'appelle Nicolae Ceaușescu. Le nouveau secrétaire général du Parti communiste roumain poursuit la politique de son prédécesseur, mais en beaucoup plus grand. D'abord, il cumule rapidement tous les pouvoirs. France Inter, le 9 décembre 1967. Interactualité est présentée par Jacques Garat. Bucarest, un important remaniement ministériel, l'Assemblée nationale roumaine a officialisé aujourd'hui les décisions prises par la Conférence nationale du Parti communiste roumain. L'exemple le plus remarquable, M. Ceaușescu, devient président du Conseil d'État, c'est-à-dire président de la République. C'est en cette qualité qu'il recevra au printemps prochain le général De Gaulle. Mais Paris, En plein mai 68, en effet, De Gaulle s'éclipse de Paris, en proie aux manifs d'étudiants, pour une visite officielle à Bucarest. Sur le tarmac de l'aéroport, le général, en agitant ses grands bras, fait un tabac auprès des Roumains en s'adressant à eux dans leur langue. Dans les années 60, la Roumanie, bien qu'appartenant au bloc de l'Est, est un pays fréquentable avec lequel la France souhaite établir des relations commerciales. Des reportages à l'ORTF dressent de la Roumanie le portrait d'un pays idyllique et prospère. Telle est la Roumanie à l'heure de l'opération Fenêtre ouverte sur l'Occident. Ses affinités avec la France sont incontestables, depuis sa culture essentiellement latine jusqu'à une certaine conception de la souveraineté nationale qui a déterminé le gouvernement de Bucarest à prendre certaines distances avec le monde communiste. C'est ainsi une chance pour la France de reprendre ici une place privilégiée. En réalité, loin des caméras, la majorité des produits agricoles sont réservés à l'exportation. Les Roumains ont faim. Il faut lutter contre l'obésité, explique Ceaușescu. Et les Roumains ont peur. La Securitate exerce une menace permanente sur la population. Chaque usine, chaque quartier, chaque immeuble a son sécuriste en chef. Résultat, les Roumains sont persuadés d'être en permanence écoutés, traqués chez eux ou sur leur lieu de travail. Dans sa folie paranoïaque, Ceaușescu en vient à exiger de sa police qu'elle enregistre les voix de tous les citoyens, histoire de les ficher et de mieux les surveiller. Les opposants sont envoyés en camp ou en hôpital psychiatrique. Au début des années 70, le régime prend une tournure de plus en plus inquiétante. Prenant exemple sur Mao ou sur Kim Il-sung, le dirigeant nord-coréen, Ceaușescu, dans des cérémonies grandioses, devient avec sa femme Elena l'objet d'un véritable culte de la personnalité. Persuadé d'être un être supérieur, le génie des Carpates lance son pays dans des projets pharaoniques, véritable gouffre financier, comme la construction du palais présidentiel qui conduira à la démolition de milliers de logements et d'une trentaine d'églises. C'est sous le règne de Ceaușescu que Matei Pavel Haiducu sera recruté par la Securitate. Pour faire honneur à son père qui est mort alors qu'il n'avait que 13 ans, Matei est depuis toujours un élève sérieux et studieux. En toute logique, il intègre la meilleure université, celle qui forme l'élite du pays. Ce sont justement dans ces grandes écoles que la Securitate prospecte ses futurs recrues. En toute discrétion, sans leur demander leur avis, elle mène sur certains étudiants une enquête politique et ensuite les met à l'épreuve à leur insu. Ce n'est qu'après cette première sélection qu'un certain nombre d'entre eux sont officiellement contactés. Matei Pavel Haiducu a 21 ans lorsqu'un jour d'octobre 1969... Le téléphone sonne. Je décroche. D'une voix sans timbre, l'homme au bout du fil me dit qu'il travaille au ministère du Commerce extérieur. Il désire me voir. Aujourd'hui. La rencontre a donc lieu le jour même, dans un café du centre de Bucarest. Haiducu ne sait pas pour l'instant à qui il a affaire. En revanche, à son grand étonnement, l'homme qui lui fait face sait tout de lui. Ce n'est qu'après plusieurs rencontres dans des cafés ou des restaurants que celui qui deviendra son instructeur en matière d'espionnage lui annonce que le service de renseignement roumain souhaite le recruter. Matei accepte. Officier du renseignement, en Roumanie, c'est la promesse d'une belle carrière et d'un bon salaire. Mais ce n'est pas le plus important pour lui. Ce qui motive un officier de renseignement, c'est l'amour pour la patrie. Matei commence sa formation. L'école de renseignement que j'ai subie se situait dans un appartement boulevard Gheorghe Gheorghiu II à Bucarest, au-dessus du cinéma qui porte le nom de la ville, cinéma Bucarest. Pendant plus d'un an, une à deux fois par semaine, Matei se rend dans un de ces appartements conspiratifs, comme les services secrets roumains les appellent, pour y apprendre les multiples techniques d'espionnage. Celles qui permettent de photographier quand on n'a pas d'appareil. Le carbone blanc pour expédier des messages chiffrés. Des procédés qu'il utilisera régulièrement quand il espionnera en France. Pour les services secrets roumains, Matei Pavel Haiducu est une bonne recrue. Il a le sens de l'investigation et de la psychologie, du sang-froid, une excellente mémoire. Il parle français, russe, allemand et anglais. Et surtout, il est prêt à tout pour la cause, même à ne rien révéler de ses activités à ses proches, même à passer à leurs yeux pour un traître quand un jour il partira à l'étranger. En devenant espion, Matei Pavel Haiducu sert son pays, mais il découvre aussi l'extrême solitude. Parallèlement à sa formation d'officier de renseignement, Matei commence à travailler comme ingénieur commercial dans une société roumaine d'exportation de wagons. Une excellente couverture quand un jour il sera envoyé espionner en France. D'ailleurs, leur approche. Haiducu construit pas à pas sa légende. Celle d'un Roumain fatigué de son pays qui cherche par tous les moyens à obtenir un passeport et à fuir à l'ouest où il a de la famille, ce qui est très mal vu par le régime communiste. Une légende si bien jouée, si crédible, qu'il est plusieurs fois arrêté et interrogé par la police. Des interrogatoires musclés dont il pourra aussi se prévaloir en France pour obtenir un statut de réfugié politique. Il fait si bien qu'en 1975, Matei réussit à se faire mal voir à son travail, à se faire licencier et finalement à recevoir un passeport. En apparence, Haiducu est devenu un citoyen indésirable. Enfin, en juillet 1975, c'est le grand départ. Mesdames et messieurs, votre vol United Airlines 915 pour Washington est maintenant prêt à l'embarquement des passagers. Paris. Quelle joie! J'arrivais par l'avion régulier et retrouvais mon cousin venu m'accueillir. J'étais heureux. Enfin, j'allais pouvoir tenir mon rôle. Enfin, j'allais pouvoir donner à mon pays l'aide qu'il attendait de moi en retour de ce capital énorme dont il m'investissait. La France de 1975, c'est Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, la loi Veil qui libéralise l'avortement, Pour la première fois, le pays compte 1 million de chômeurs. Joe Dassin chante l'été indien et Nino Ferrer le sud. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Dès son arrivée, le faux exilé vrai espion agit selon le scénario établi à Bucarest. Première étape, l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. J'arrive en France et je me présente à l'OFPRA pour demander asile politique en lui présentant un dossier bien ficelé. Ensuite, Matei trouve un travail pour pouvoir survivre et justifier de la sincérité de ses intentions vis-à-vis du peuple français. Il doit aussi élaborer un plan d'exfiltration s'il venait à être repéré. En cas de pépin, il devra traverser le Jura, passer en Suisse et de là en Autriche, d'où la route vers la Roumanie est ouverte. Matei Pavel Aiducu est ce qu'on appelle un illégal ou agent dormant, un espion qui a pour mission de se fondre dans la masse. Un investissement à long terme en quelque sorte. L'ex-étudiant brillant travaille d'abord comme magasinier dans une usine, ce qui lui permet, au bout seulement de 2 mois, d'obtenir ses papiers de réfugié politique et sa carte de travail. Sa situation s'améliore quand il devient courtier en assurance. Il peut louer un studio rue de la Convention dans le 15e arrondissement de Paris. Tous les 17 jours, à une heure précise, Matei communique avec Bucarest par radio en utilisant une fréquence particulière. Il envoie également par la poste des magazines comme Paris Match, remplis de messages invisibles. Autre moyen classique de l'espionnage, la boîte aux lettres morte. Des messages à l'intention de l'agent roumain sont déposés tout près de chez lui, dans une anfractuosité du mur à côté du cinéma Convention. Tout en regardant négligemment les affiches de films, Matei, d'un geste rapide et discret, retire le papier glissé entre deux pierres et s'en va sans presser le pas. Mais ce n'est qu'en 1976 que ce monsieur tout le monde peut commencer sa vraie mission, espionner l'industrie française. Je cherche une entreprise à partir de laquelle j'aurais pu avoir accès à l'industrie française. Et je me fais engager comme ingénieur commercial dans une société de robinetterie industrielle. Cette société exporte beaucoup vers les pays de l'Est, ce qui permet à Matei de se rendre régulièrement en Roumanie sans éveiller les soupçons du contre-espionnage français. On nous a demandé la définition du matériel de robinetterie pour les centrales nucléaires, Électricité de France, nous a envoyé les plans détaillés de tous les circuits secondaires d'une des centrales nucléaires que je ne vais pas nommer. Pendant 9 longues années, Matei envoie en Roumanie des renseignements économiques d'une haute valeur. Un autre exemple, j'ai réussi à obtenir les plans des utilités de l'aéroport de Roissy en France pour la fourniture de 300 vannes. J'ai demandé à l'ingénieur responsable du projet de me fournir les conditions de service et les plans des circuits. Les plans de circuit de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui a été inauguré en 1974. Belle prise, en effet. Dans le domaine de l'informatique, j'ai réussi à fournir un certain nombre de grands programmes par le biais d'un récupérateur de bandes usagées. 9 fois sur 10, les programmes existants sur ces bandes magnétiques n'étaient pas effacés. Des renseignements qui seront utiles notamment pour un projet pharaonique du régime roumain. La construction d'un canal joignant le Danube à la mer Noire. Un canal qui devra aussi beaucoup au travail forcé de milliers de prisonniers politiques. Pour Matei Pavel Aiducu, 1977 marque une étape importante dans son infiltration à la société française. Notre jeune cadre dynamique, bien sous tout rapport, se marie avec Micheline, une secrétaire qui travaille dans sa société de robinetterie. Un mariage avec une Française, excellent, se réjouit Bucarest. D'autant que Matei obtient bientôt sa naturalisation française. Entre Matei et Micheline, qui auront des enfants ensemble, c'est un mariage d'amour. Mais Matei ne dit rien à sa femme de ses activités d'espionnage. Pour elle, son mari est un réfugié politique, point à la ligne. Tout semble aller bien pour l'espion roumain. Mais en 1978, son secret patiemment élaboré va manquer de très peu d'exploser au grand jour. Cette année-là, Ion Pacepa, un général de l'armée roumaine qui a été pendant près de 20 ans le responsable suprême des services secrets de son pays, fait défection. Alors qu'il est de passage en Allemagne de l'Ouest, ce proche collaborateur de Ceausescu pénètre dans l'ambassade des États-Unis à Bonn et annonce son vœu de passer à l'Ouest. Pacepa a trouvé refuge aux États-Unis. Là-bas, il lui a fallu 4 ans pour décrire par le détail les turpitudes du dictateur de Bucarest, sa manipulation de l'opinion internationale, le fonctionnement de ses services secrets. Bien sûr, la famille Pacepa, qui était restée à Bucarest, a été immédiatement placée sous surveillance permanente. Une belle prise pour les Américains, mais pour la Roumanie, c'est une catastrophe. Tout le service est démantelé. Ceausescu, fou de rage, charge le terroriste Carlos d'assassiner le traître en échange $1 million. Mais il échouera. Là où cette défection pourrait être fatale à notre espion, c'est qu'Ion Pacepa donne des noms. Comme par hasard, en septembre 1979, Matei Pavel Haïdoukou voit débarquer des agents de la DST, le contre-espionnage français, qui l'interrogent et perquisitionnent à son domicile. Mais il ne trouve rien. Notre agent roumain échappe ainsi de peu au coup de filet. Mais Haïdoukou a eu très peur. Surtout, de plus en plus, il est assailli par le doute. Le régime auquel il a juré fidélité et pour lequel il ment à sa femme et à son enfant n'est pas le communisme radieux dont il rêvait dans sa jeunesse. Lors de ses fréquents séjours en Roumanie, il est frappé à chaque fois par la peur et la misère dans lesquelles vivent ses compatriotes. À l'inverse, l'espion roumain a pris goût à la France, ce pays capitaliste certes, mais aussi démocratique, qu'il a accueilli, lui, le faux réfugié politique. C'est dans ce climat de doute qu'une nouvelle va bouleverser sa vie. Le 13 janvier 1982, à Bucarest, le général Plesita, le chef des services secrets, reçoit Matei Pavel Haïdoukou et lui donne un ordre stupéfiant. Il faut éliminer Virgil Tanaz et Paul Goma. Cela fera tellement plaisir au camarade Ceausescu. Quoi ? On lui demande de tuer ? À Matei, qui n'en croit pas ses oreilles, le général décrit les hommes qu'il est chargé d'abattre. Deux écrivains dissidents roumains exilés en France qui ont la mauvaise idée de critiquer Ceausescu. Virgil Tanaz, 36 ans, est romancier, auteur de théâtre et metteur en scène. Plusieurs de ses œuvres ont été interdites de publication en Roumanie. Paul Goma, 47 ans, qui a connu la prison et les camps, est un des signataires de la Charte 77, cette pétition d'intellectuels en faveur des droits de l'homme. Depuis leur arrivée en France, 5 ans auparavant, les deux écrivains ne cessent d'exprimer haut et fort leur opposition à Nicolae Ceausescu. Paul Goma au micro d'Isabelle Monrosier sur France Inter. C'est le total manque des droits. C'est l'arbitraire absolu de la pouvoir. C'est le tyrannisme dément et paranoïaque d'un homme. Il y a de la misère matérielle, spirituelle et des désespoirs. Virgil Tanaz, lui, explique sur France Culture l'obsession du régime roumain à vouloir contrôler ses écrivains. Oui, justement, et le danger pour le pouvoir, c'est justement l'écrivain. Et l'attention du pouvoir envers l'écrivain est tout à fait particulière. On essaie de les capter par tous les moyens, on essaie de les corrompre, et finalement, quand cela ne marche pas, on essaie de les éloigner. c'est ce qui s'est passé avec moi, c'est ce qui se passe maintenant avec Paul Goma. Cela fait longtemps que la Roumanie communiste traque et persécute les intellectuels qui osent s'opposer au régime. La France, terre d'accueil de nombreux de ces exilés, est considérée par Bucarest comme le principal foyer de l'opposition à l'étranger et du même coup, la cible prioritaire de la Securitas. En 1965, elle tente de faire revenir au pays le célèbre dramaturge d'origine roumaine, Eugène Ionescu, l'auteur de Rhinocéros et de La cantatrice chauve, qui vit en France depuis son enfance. Quelle belle reconnaissance ce serait pour Ceausescu d'avoir le grand écrivain à ses côtés. Évidemment, Ionescu n'en fera rien. En 1975, c'est l'écrivain Émile Cioran qui est visé. Pour le faire revenir en Roumanie, la Securitas lance contre lui une opération au nom explicite « récupération », un autre échec. Mais la Securitas peut se montrer plus agressive et violente. Une de ses principales cibles est Radio Free Europe. Cette radio anticommuniste financée par les États-Unis, basée à Munich en Allemagne, qui diffuse de l'autre côté du rideau de fer des émissions dans les langues des différents pays de l'Est. Actualitatea românească. La section roumaine de Radio Free Europe est la plus écoutée. La microfon Emil Georgescu care vă spune doamnelor și domnilor, bună seara. Și bun găsit la programul Actualitatea Românească pe care, ca de obicei, îl transmitem din studiourile de la München ale postului de radio Europa Liberă. Pourtant, en Roumanie, être surpris en train d'écouter cette radio peut conduire en prison. Les émissions sont animées par des dissidents exilés. Beaucoup d'entre eux vont payer cher le courage d'affronter Ceausescu. Métronome 74. Le plus emblématique est sans doute Cornel Kyriac, l'animateur un peu hippie de Métronome, une émission qui diffuse de la pop et du rock, des musiques jugées décadentes en Roumanie. La microfon Cornel Kyriac care vă invită să urmăriți astăzi prima dintr-o serie de emisiuni consacrate... istorie bluesului. The story of the blues. Dans les années 70, Métronome, véritable bouffée d'oxygène et de liberté, est l'émission culte des jeunes roumains qui l'écoutent en cachette. Mais le 4 mars 1975, Cornel Kyriac est retrouvé tué de plusieurs coups de couteau dans un parking de Munich. Le lendemain, beaucoup de jeunes roumains porteront un brassard noir en signe de deuil. Au tout début des années 80, les animateurs roumains de Radio Free Europe vivent dans la peur, comme l'explique l'un d'eux, Émile Gheorghescu. Je peux aller en un restaurant avec ma femme, nous pouvons nous promener, mais seulement accompagné par les gardes du corps. Armé. Accompagné, armé bien sûr, moi je suis aussi armé maintenant. Et il y a jour et nuit un policier dans ma maison. Malgré cette protection, l'animateur est violemment agressé en 1981 par deux délinquants payés par la Securitas. C'est en 1981 aussi que Nicolae Ceausescu désigne Virgil Tanaz et Paul Goma comme ses ennemis à abattre. Paul Goma, qui malgré des menaces de mort, ne cesse de s'exprimer à Radio Free Europe. Et Virgil Tanaz, qui a osé écrire un article qui ridiculise Ceausescu, à la demande de Jean-François Bizot, le directeur d'Actuel, le magazine branché de l'époque. Voilà comment fut publié ce fameux article, Ceausescu premier roi communiste, qui a tellement irrité les autorités roumaines. Et Nicolae Ceausescu personnellement. Nous étions la tache de boue sur sa belle robe de mariée. Ce sont donc ces deux hommes que le 13 janvier 1982 à Bucarest, le général Plesita charge Matei Pavel Haiducu de tuer. Cela fera tellement plaisir au camarade Ceausescu. Tuer dans notre métier, on en est capable. on nous l'a appris. Mais tuer pour tuer, tuer pour faire plaisir, uniquement pour le bon plaisir d'un homme, soit-il le président, est au-dessus de mes forces, contraire à mes principes. Pourtant, Matei n'a pas le choix. S'il refuse, il sera immédiatement condamné comme déserteur. La mort dans l'âme, il accepte sa mission. Le général Plesita lui donne la marche à suivre. Pour Paul Goma, il ne fallait surtout pas que le service roumain puisse être soupçonné. Donc il fallait choisir un mode d'élimination pour que sa mort semble naturelle. Le mode choisi pour tuer Paul Goma a été l'empoisonnement avec une substance nommée aconitine. Sans goût, sans odeur. En ce qui concerne Virgil Tanaz, l'ordre a été clair. Il faut le tuer n'importe comment. Plesita remet à Matei la précieuse pilule de poison dissimulée dans un stylo à billes. Dilué dans un verre d'eau, le poison au bout de 48 heures provoquera un infarctus. Et comme Paul Goma est cardiaque, la mort semblera naturelle. Votre père aurait été fier de vous. Fier de moi? Mais fier de quoi? Se demande Matei, qui va finir la soirée seul à se saouler dans un bar de Bucarest. Jour et nuit, j'ai imaginé tous les scénarios possibles pour échapper à cette mission. Tout en préservant ma vie et celle de ma famille, et en même temps, la vie de Paul Goma et Virgil Tanaz. Et quand quelques semaines plus tard, l'espion roumain rentre en France, cette décision est prise. Il révèle tout à son épouse et lui propose de divorcer. Mais cette femme courageuse refuse et décide au contraire de soutenir son mari. Matei prend alors contact avec la DST, le contre-espionnage français, qui lui donne rendez-vous à la brasserie La Rotonde, boulevard du Montparnasse à Paris. Devant les agents français médusés, l'espion roumain déballe le plan d'assassinat ordonné par Ceaușescu. Mais il leur fait aussi comprendre que si la Securitate découvre qu'il a désobéi, elle se vengera sur sa famille restée en Roumanie. Jean-François Clerc, alors directeur adjoint de la DST. Il nous avait demandé donc du temps pour pouvoir permettre à son frère de sortir, voire à sa mère. Donc, que faire dans un cas comme ça? Il fallait que l'on fasse croire au service roumain que l'affaire a été faite, qu'on crédibilise et en même temps que ça ne se fasse pas. Et il fallait donc un scénario qui tienne compte des deux. Afin de ne pas éveiller les soupçons de la Securitate et laisser à Matei Pavel Haïdoukou le temps d'exfiltrer sa mère et son frère, la DST monte un plan digne d'un scénario de film. Pour Virgil Tanaz, un faux enlèvement, et pour Paul Goma, un faux empoisonnement. Avertis, les deux écrivains acceptent de jouer cette comédie, mais à une condition, très politique, que le gouvernement français condamne officiellement le régime de Ceaușescu. Matei informe ses supérieurs à Bucarest qu'il va empoisonner Paul Goma le 18 mai, à l'hôtel Concorde Lafayette, lors d'une conférence sur les droits de l'homme à laquelle l'écrivain doit participer. Le jour dit, Haïdoukou fait passer à Paul Goma un verre dans lequel a été placé le poison, mais avant que l'écrivain n'ait le temps de le boire, un agent de la DST le bouscule et renverse le verre. Une mise en scène pour le cas où un agent de la Securitate serait présent dans la salle. Deux jours plus tard, c'est au tour de Virgil Tanaz d'être kidnappé en pleine rue à Paris. Je sors de chez moi, je tourne dans la première rue à droite. Une voiture s'arrête à mon hauteur, une autre bloque le carrefour. On me jette dans la première voiture. Plein pot vers la gare de Lyon, en brûlant les feux, façon de vérifier que personne ne me suit. Nous sortons de Paris et ils me conduisent en Bretagne. Ma femme avait aussi des consignes précises. Dans l'après-midi, elle devait téléphoner à la DST. Elle devait dire que j'ai disparu. C'était la folie. Les journalistes tapaient aux fenêtres pour tirer quelques mots de ma femme. Enfin, tout le bazar. Dans les heures qui suivent, en effet, c'est le bazar, le scandale même. Annette Ardisson sur France Inter. Toujours aucune nouvelle de l'écrivain roumain Virgil Tanase, qui a disparu de son domicile parisien depuis jeudi. Tanase semblait, selon ses amis, un peu inquiet depuis quelque temps. Une enquête a été ouverte par la brigade criminelle. Les services secrets roumains ont multiplié depuis quelques années les opérations d'intimidation contre les opposants, mais ce serait le premier enlèvement. Sous le choc, la presse française s'indigne. Comment un écrivain roumain a-t-il pu être enlevé en plein Paris ? Un enlèvement que l'on compare à celui en 1965 de l'opposant marocain Ben Barka, qui n'avait jamais reparu. On manifeste devant l'ambassade de Roumanie, qui bien évidemment nie toute implication dans l'affaire. Le 9 juin, lors d'une conférence de presse du président de la République, le journaliste Dominique Jamais, visiblement énervé par son apparente passivité, interpelle François Mitterrand au sujet de Virgil Tanase. Je n'ai rien négligé. Et c'est une affaire que j'ai suivie de jour en jour. Et s'il était démontré, hypothèse tragique, que M. Tanase a disparu pour ne pas reparaître, cela entamerait sérieusement la nature des relations entre la Roumanie et la France. Je répète, je n'ai rien négligé et vous me laisserez le soin de vous dire un peu plus tard ce qui est, en toute certitude, et sur lequel j'ai besoin encore d'un peu de temps. Une réponse sibylline prononcée avec un léger sourire. Car bien sûr, le président de la République sait tout depuis le début du faux enlèvement monté par la DST auquel il a donné son feu vert. Le 28 juillet 1982, alors que le secret est toujours bien gardé, Mitterrand, comme promis aux deux dissidents roumains, donne à l'affaire une dimension diplomatique en annonçant qu'il annule sa visite officielle en Roumanie, prévue 6 mois plus tard. Pendant ce temps, Matei Pavel Haiducu est reparti en Roumanie, où, incroyable ironie, l'agent qui a réussi à éliminer Virgil Tanase est accueilli en héros. Embrassade, félicitations, toast. Et le plus stupéfiant... À mon grand étonnement, j'ai été reçu personnellement par Ceausescu et par sa femme dans leur maison du bord de la mer Noire. J'ai été avancé en grade et décoré. Il m'a embrassé au moment de la remise de la décoration et elle m'appelait mon enfant. Mon enfant, mon héros. Le vrai faux héros, qui en guise de récompense a obtenu une semaine de vacances, en profite pour filer à l'ouest avec l'intention de ne jamais revenir. Coup de chance, il passe la frontière juste à temps pour éviter le pire. Car à peine a-t-il quitté la Roumanie, que Matei apprend qu'en France, l'hebdomadaire Le Nouvel Obs, sous la plume d'Albert Duroy, évoque l'hypothèse d'un faux kidnapping de Virgil Tanase. L'information a donc fuité, on ne sait pas par qui. C'est une catastrophe pour Matei Pavel Haiducu, qui sait que la vengeance de Ceausescu sera impitoyable. Rien n'est plus dangereux qu'un dictateur humilié. La DST organise alors la protection de son épouse et de leur enfant. Il a fallu faire très vite. J'ai quitté mon travail du jour au lendemain. On est parti dans l'Aisne. On nous avait trouvé en catastrophe, un gîte rural. On est parti avec ma fille, le chien et 2 valises. Tout va très vite. Le 31 août, la nouvelle du faux kidnapping est confirmée. Et d'abord, cette surprenante révélation du mensuel actuel et du quotidien Le Matin. Virgil Tanaz est vivant. L'écrivain roumain, porté disparu depuis le 20 mai dernier, vit en ce moment au vert, à la campagne, quelque part en France. Selon nos confrères, il serait sous la garde d'agents de la DST. À Paris, Paul Goma, Virgil Tanaz et Matei Pavel Aïdoukou, conscients que pour se protéger, ils ont intérêt désormais à donner le maximum de publicité à l'affaire, montent le jour même une conférence de presse dans les locaux d'Actuel. Sous les crépitements des appareils photos, la scène est proprement surréaliste. Les deux écrivains roumains, qui révèlent l'entreprise criminelle de Ceaușescu, et assis à côté d'eux, l'espion qui avait été chargé de les tuer, celui qui se fait appeler Monsieur Z, barbe en collier, lunettes fumées, le parfait anti-héros. Je suis un officier supérieur de service de renseignement roumain, envoyé en poste en France il y a huitaine d'années. Il y a 6 mois, je reçus commission de faire disparaître M. Tanaz et M. Goma. Cette mission qui m'a été ordonnée dépasse et de loin tout ce que j'avais cru sur l'amour de la patrie et j'en passe. J'ai décidé de révéler cette mission au service français. Cette mise en lumière révèle à ceux qui l'ignoraient la réalité criminelle du régime roumain. Elle rend aussi plus difficile une vengeance sur Paul Goma, Virgil Tanaz et Matei Pavel Aïdoukou. Mais pour l'ex-espion qui aspire maintenant à une vie tranquille, cela ne suffit pas. Alors que le régime de Ceaușescu se maintient dans toute sa violence jusqu'à la révolution de 1989, Matei Pavel Aïdoukou va changer de nom, partir avec sa famille en Bretagne pour tenter de se faire oublier. Depuis 1978, je suis français. Aujourd'hui, Matei Pavel Aïdoukou n'existe plus. Ne cherchez pas à savoir comment je m'appelle. Matei Pavel Aïdoukou, l'espion qui avait refusé de tuer pour Ceaușescu, écrira ses mémoires en 1984, puis ne fera plus parler de lui jusqu'à sa mort en 1998. Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.